Je suis votée en tant que première africaine, donc déjà mon devoir numéro un, c'est de lutter non seulement pour les intérêts des Africains, mais également des étrangers qui sont beaucoup plus nombreux aussi, qui constituent en fait 40% de la population au niveau de Fribourg. Et après donc cet engagement sur le plan communal, j'ai été votée dans le conseil d'administration du parti qui essaie de définir des politiques par rapport à la population, mais par rapport également à l'Afrique, au niveau donc de l'État, mais également au niveau national. Et le combat à ce niveau-là était justement de pouvoir être sur la table avec les décideurs, de pouvoir apporter une autre perspective qui est africaine dans ce sens-là, donc sur la table, et de pouvoir influencer les décisions prises sur nous et sur le continent africain. Afrique Média, le monde, c'est nous.